Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Magic System. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, Magic System, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti, coup d'envoi de ce nouveau Planet Rap. Comment vont les Magic System? Ça va. Akubayo. Ben voilà, j'ai envie de dire que c'est le cri des vacances, c'est le début, c'est le coup d'envoi officiel des vacances. Grâce à vous, parce qu'en plus il y a eu les résultats d'examen pour certains. Il y en a beaucoup qui sont partis en même temps ce week-end. C'est certains qui profitent encore du long week-end du 14 juillet. Mais là, ça y est, c'est dans les bacs depuis une quinzaine de jours. Ça s'appelle Radio Africa. On va finir la saison de Planet Rap avec vous et c'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. Comment ça va, messieurs? Mais ça va très bien. Ça va. Tout le monde, le Magic System se porte bien. De revenir aussi en studio. C'est oui, bien. C'est bien. Ouais, vous revenez d'où là? Qu'on n'est pas passé. C'est vous étiez où avant? Bah écoute, on était en tournée. En tournée, grosse tournée. Grosse tournée, africaine. Qui n'arrête jamais, en fait. Chaque fois que je reçois en même temps, vous êtes en tournée. Mais c'est ça. J'ai l'impression que jamais ça s'arrête. Ça s'arrête jamais. Et là, c'est reparti avec la tournée Radio Africa. Exact. Ah ouais. Donc, ça part de quelle idée? Ça, c'est Radio Africa, c'est des cartons africains hein, que vous avez repris? Oui, c'est tous les gros classiques de la musique africaine. C'est les classiques de la musique africaine. Voilà, qu'on voulait reprendre, quoi. Voilà. C'est un album qui regroupe tous les pionniers de la musique africaine et puis aussi des titres qui ont marqué la musique africaine ici en France. Vous avez voyagé dans toute l'Afrique pour reprendre les morceaux ou pas? Oui, c'est un voyage. À travers cet album, c'est un voyage. On est allé en Afrique du Sud, on est allé au Congo, on est passé par la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal. C'est l'Afrique dans sa diversité qui se retrouve dans cet album. D'accord, et ben on va pouvoir découvrir aussi cet album. Il est sorti, on peut l'avoir déjà, Radio Africa. Ah oui, faut l'avoir parce que c'est une bibliothèque. On peut le télécharger légalement aussi. Oui. Pour les vacances, avant de partir. Si vous n'êtes pas encore parti, puis si même vous êtes en vacances, ça va vous faire du bien. On débute d'ailleurs tout de suite avec un medley. On vous a préparé le medley de cet album. On se plonge directement dans l'album, le nouvel album de Magic System, et ça donne ça. Planet Rap. Planet Rap. Le Planète Rap avec Magic System est donc un medley de cet album qui est sorti, il s'appelle Radio Africa. Et c'est vrai qu'alors, on aurait pu croire une fois de plus, mais il y a toujours la petite pointe quand même politique du Magic System. Hein. Il y a des morceaux qui sont repris, qui sont voilà, avec toujours le côté politique de Magic System. Hein. Ben, c'est vrai, vous savez, quand on arrive à ce niveau-là de sa carrière, à un moment donné, on a besoin d'être engagé. Et puis nous, on est parti de l'Afrique. Aujourd'hui, on est comme ambassadeur de ce continent. On ne peut pas rester la bouche fermée face à certaines situations. Donc on essaie aussi à travers cet album de faire passer un message important. Mais c'est vrai, comme c'est un album de reprise, on aurait pu se dire que c'est des morceaux principalement festifs. Moi, je trouve qu'on a plus travaillé sur cet album parce que c'est difficile de ressortir de telles chansons, des tiroirs de chansons qui datent de 40 ans, 50 ans. Il faut les sortir. Il y a des chansons de 1962 dedans, quoi. Il faut les sortir, il faut les réactualiser, il faut les réadapter. Et puis, sans toutefois changer la musicalité, c'était important. Et le choix, comment s'est passé le choix en fait pour ces morceaux? Parce que là, il y en a 12, mais c'est vrai que la musique africaine est encore beaucoup plus riche. Ça a dû être compliqué à choisir. On est parti sur des critères plus ou moins simples. Par exemple, on prend Césaria Evoria parce qu'elle incarne ce qu'on appelle la persévérance. C'est une dame qui a le côté Cap-Vert, bien sûr. Il y a le Cap-Vert qui est l'un des plus petits pays africains et qui est l'un des rares pays à parler le portugais, le créole portugais. Donc, il y avait la diversité de la langue aussi qui jouait. Donc, on a chanté en portugais. On a pris Johnny Clegg, Afrique du Sud, pour rendre hommage à Nelson Mandela. C'était le dernier morceau, l'avant-dernier morceau dans le medley, Asibonanga. Ouais. Asibonanga, ceux qui sont nés après 1990 peut-être ne l'ont pas connu, mais c'est une chanson qui a marqué aussi. C'était un porte-drapeau ce morceau. Hein. Voilà, on a pris Salif Keïta du Mali, on a pris Ismaël Lo du Sénégal. Donc c'est vraiment, comme je le dis, c'est toute l'Afrique qu'on voulait mettre dans cet album. Contrairement à ce que les gens croient, parce que j'entends des gens dire « Ouais, c'est l'été, Magic System revient encore » et tout ça. Bon, non, c'est vrai en même temps. En même temps, c'est vrai. On nous colle, c'est vrai qu'on nous colle cette image. On ne va pas bouder, hein, parce que si vous incarnez le soleil, la joie de vivre et tout, il ne faut pas bouder. Mais c'est pour dire que c'est un album qui était fait pour rendre vraiment hommage à des gens qui nous ont permis aujourd'hui d'être là où nous sommes. Voilà. Et on est fiers de cet album. Pour ceux qui n'ont pas connu cette musique africaine, là, je vais demander à tout le monde d'avoir cet album. Parce que vous savez quoi, il y a des Congolais, ici en France, il y a des Congolais, il y a des Ivoiriens, il y a des Maliens, il y a des Sénégalais, il y a des gens qui sont nés ici, qui ne sont jamais allés en Afrique. Mmh. Et je crois que ça peut être un album qui va les replonger et ils vont voir l'histoire de la musique africaine à travers cet album. Et bon, on va en parler. Je tiens aussi à saluer tout le Magic System qui est là. Il y avait un retardataire, mais tout le Magic System est arrivé en cours de route, ça va bien? Ça va, en forme, ça va. Se passe bien, content aussi, fier de défendre cet album. Oui, très bien, très bien. Radio Africa, on va débuter avec un morceau. Je crois que c'est Enjaillé pour débuter. Ah ouais, Enjaillé. Enjaillons-nous. Alors, disons un petit mot quand même à chaque fois sur les morceaux. Celui-ci, Enjaillé, vient d'où? Qui l'a fait? L'histoire un petit peu de... Et pourquoi vous l'avez repris celui-ci? Enjaillé, le titre à l'époque, à l'origine, c'était Madan, c'est un titre de Salif Keïta. C'était une chanson qui était chantée pendant les récoltes. Quand la moisson était bonne, les femmes et les hommes chantaient pour magnifier cette abondance là. Et puis bon, nous on s'est dit on va reprendre, mais on va pas chanter avec les mêmes thèmes. On va prendre le mot enjaillé, qui est typiquement ivoirien, qui est l'argot ivoirien. Enjaillé vient du mot enjaillement, qui est anglais. Et nous on dit on va s'enjailler. Enjaillé, voilà, on va s'enjailler toute la semaine, j'ai envie de dire. Et attention, il y a un projet Enjaillement Fever qui arrive. Ça c'est pour la prochaine fois, mais pour le moment, c'est pour l'été, prochain. Voilà. Allez, c'est parti. C'est extrait de Radio Africa. On est tous enjaillés, on est tous enjaillés. On va bien s'enjailler là, on va bien s'enjailler. Oh la calamale, oh la calamale. Yala yala lesa Le Magic System et Radio Africa, ce morceau donc qui s'appelle Enjaillé, qui part d'une version originale donc de Salif Keita à l'origine, hein, c'est bien ça. Et c'est vrai que tu me rappelais, j'avais oublié aussi cette reprise de Zidane, il a marqué. Zidane, il a tête. Après le coup de boule, le fameux coup de boule de Zidane en 2010, c'est vrai qu'il y avait eu aussi. 2006 déjà, oui, 2010, voilà, 2006. Ouais, 2006. Mais oui, c'est vrai, 2006, comme le temps passe vite. Comme le temps passe super vite. Donc le morceau Enjaillé à l'instant, qui part donc d'une version qui s'appelle Madane à l'origine, de Salif Keita. Et voilà, c'est ça un petit peu l'ambiance de cet album Radio Africa qu'on va découvrir cette semaine. Oui. Entre 20 et 21, tous les soirs de la semaine avec le Magic System. Le Magic System en tournée aussi pour cet album, ou vous continuez la tournée habituelle? Là, c'est la tournée habituelle. La tournée était là avant. Ça, c'est un album qui vient. C'est vrai que quelques titres de cet album seront joués pendant la tournée. Mais voilà, la tournée continue son petit bonhomme de chemin. Hier, on était à Oru. On a découvert le centre de la France hier. On était dans le fin fond de la France. Et... Qu'est-ce qui vous fait rire, les gars? A priori, c'était épuisant, non? Non, au juste, c'est un petit coin caché et puis ben, ça fait plaisir. Ouais. Le réseau là-bas, c'est F-Contact. Il voilà. n'y a pas. Il n'y a pas. Toutes les autres. Au pays de téléphonie et tout, non. Il n'y a pas. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est ça qui est la vérité avec le Magic System. Et aussi un petit nom, parce que c'est important aussi le nom de Radio Africa, parce que évidemment, l'Afrique, la radio, c'est un média très fort là-bas en Afrique. Hein. Les gens se réunissent autour d'un poste de radio, alors que c'est pour suivre des matchs de foot, suivre plein de choses d'ailleurs en permanence. Ouais, je crois que c'est dans la culture africaine, mais même avant même que les radios modernes ne s'installent, l'Afrique avait une manière de faire passer aussi ses messages. Les histoires de mégaphones, les histoires de griots et tout, ça existait en Afrique. C'était des radios ambulantes. Donc c'était des transmissions par le griot. Ouais. Voilà, c'était des transmissions et bon, c'est resté quand même dans la mémoire collective des Africains. Et bon, nous on a dit Radio Africa parce qu'effectivement, quand tu as cet album, tu as l'impression de ne pas décrocher de l'Afrique, quoi. Tu es en Afrique, du premier titre jusqu'au dernier titre, vraiment tu es plongé dans l'Afrique. Et bon, on va rester en Afrique maintenant sur Skyrock. Est-ce qu'on se mettrait pas d'ailleurs un petit morceau? Bah tiens, celui-ci vient de chez vous, Sweet Fanta Diallo. Ah oui. Ça, c'était le premier extrait, je crois, qui a été balancé. Hein. Sweet Fanta Diallo, oui. Non, c'est le premier extrait, c'était Madane. Ah, c'était Madane le premier. Voilà. Extrait. Et Sweet Fanta Diallo, qui est arrivé dans la foulée. Voilà. Non. Suite Fanta Diallo, et c'est Madane qui va venir maintenant. Et c'est Madane qui va arriver. Enjaillé. Voilà. Donc oui, ça c'était le premier extrait, Suite Fanta Diallo. Ça c'était le premier extrait, Fanta Diallo, 1987, Alpha Blondy. Il sort un titre qui s'appelle Fanta Diallo, il rend hommage à une femme. Donc vous êtes tout petit à l'époque? On est tout petit parce qu'en 1987, je crois qu'on ne devait pas avoir... pas obligé de dire l'âge. Voilà. En 87, on devait avoir quoi? Entre 6, 7, 8 ans, je veux dire. Donc... quand on regarde aujourd'hui, on reprend ça, on reprend Alpha Blondy. C'est une fierté. À l'école, je vais vous dire une anecdote. À l'époque, quand on allait à l'école, sur nos cahiers, il y avait des photos d'Alpha Blondy. Et quand tu arrivais en classe et que tu n'avais pas un cahier avec la photo d'Alpha Blondy, c'est que tu n'étais pas à la page. Donc comprenez l'émotion. Tout le monde avait un cahier Alpha Blondy. C'était quoi? C'était le Michael Jackson de l'époque. Il reste le Michael Jackson de l'époque. Ah oui. Et donc pour nous aujourd'hui, chanter avec Alpha Blondy, faire des featuring avec lui, reprendre ses titres, c'est vrai qu'on lui rend hommage, on se rend hommage à nous-mêmes, quoi, voilà. Et ça, c'est important. Donc c'est Sweet Fanta Diallo. Tout le monde a évidemment à un moment ou un autre entendu ce morceau. Ah ouais. Vous l'avez repris. Ouais. Et ça donne ça. Yeah. Magic System, hommage à Alpha Blondy. Sweet, sweet Fanta Diallo. Sweet, sweet sur un arc-en-ciel. Elle touchait tous les rayons du soleil. Elle brillait comme un bon morceau de miel. Elle piquait comme le poivre et comme le sel. Sweet, sweet Fanta Diallo. Oh, oh, Fanta Diallo. Sweet, sweet Fanta Diallo. Oh, oh, Fanta Diallo. Tu allais, t'es parti. Fanta, Fanta, où vas-tu danser dans ta nuit? Fanta, Fanta, tu vas pas marcher à Diallo. Sweet, sweet Fanta Diallo. C'est vrai qu'il fait toujours plaisir ce morceau. Hein. Incroyable quand même ce morceau, celui-ci. C'est fort. Ouais, c'est fort, hein. Vous aussi, c'est marrant, c'est une espèce de boucle qui est bouclée avec ce morceau. Hein, C'est un plaisir pour nous de reprendre un titre de Alpha Blondy, comme l'a dit Asalfo. C'est vraiment un bonheur, quoi. Un bonheur. Un pur bonheur. Et il a évidemment écouté le morceau, Alpha, ouais, je suppose. Ah oui, c'était le premier à valider sur l'album. Hein. C'était le premier qui a validé. C'est la première chanson qu'on a faite en studio. Hein. C'est la première chanson et je vous jure qu'on a pris du bonheur à faire cet album. Moi, je suis pertinemment content parce que c'est une expérience humaine. C'est une expérience humaine qu'on a voulu vivre à travers cet album. Et puis, on a voulu sortir du Magic System habituel. On voulait montrer que l'interprétation aussi pouvait être un talent. C'est ça, parce que là, il fallait chanter en anglais, en zoulou, en wolof, en bambara, en portugais, en lingala. Donc on a chanté toutes les langues. Donc au-delà d'être que des reprises, c'est aussi une expérience linguistique que nous avons essayé à travers cet album. Et ceux qui l'écoutent seront forcément replongés, tous les Africains, tous les gars de la diaspora qui l'écoutent. Et ceux aussi qui sont ici, qui ne connaissent pas la musique africaine, c'est le moment d'écouter cet album. Et parce qu'il y a un enseignement dedans, quoi. Et de découvrir justement la richesse de la musique africaine. Une vraie richesse. Qui a apporté d'ailleurs aussi beaucoup ici en Europe et dans le monde entier d'ailleurs. Parce qu'on parle d'Alpha Blondy, mais Alpha Blondy, c'est quelqu'un qui est reconnu dans le monde entier, quoi. Dans le monde entier. Qui propulse l'Afrique aussi au niveau mondial, ouais. C'est surtout pour les nouvelles générations. Moi, je vais raconter une anecdote. On sortait de l'avion un jour, on venait d'Abidjan. Et il y a la police qui a arrêté Alpha Blondy, qui dit que, on a des doutes sur le passeport. En France? Ici en France, à Charles de Gaulle. Et on a des doutes sur le passeport. Mais bon, moi j'arrive, le gars il me dit, ah Magic System et tout, on va faire une photo et tout. Je dis, mais attends, tu es en train de te tromper là, parce que celui qui est à côté de toi, c'est un monument. Mais j'ai tout de suite compris que c'est générationnel, parce que le gars, il avait quoi? Il avait à peine 25, 26 ans, et il n'a peut-être pas connu Alpha Blondy dans son enfance. Donc c'est à travers ce genre de projet que nous remettons à la surface des gens qui ont marqué la musique africaine. T'aurais pu lui conseiller d'aller écouter Brigadier Sabari? Mais je sais que là, il va aller sur YouTube, il va taper, il va écouter Brigadier Sabari, il va savoir. Voilà, ça lui fera du bien. Ah ouais. Bon, Alpha Blondy était relâché quand même depuis, ça va? Oh, mais c'est une petite anecdote, c'est pas allé loin, ils l'ont relâché après. Bon, ouais, bah, très bien. Sweet Fanta Diallo, en tout cas, vous le retrouvez sur le morceau Radio Africa, sur l'album Radio Africa du Magic System. Dans un instant, on reviendra. Est-ce qu'il y aura un petit peu de live ce soir avec vous, messieurs? Oui, on va faire du live. Ah, voilà. J'ai eu peur parce que je me suis dit, peut-être qu'il n'y aura pas de live ce soir. Non, on va faire du live. Ouais, on n'est jamais venu ici sans faire du live. C'est pour ça. Voilà. Magic System dans un instant en live. Vous aussi, freestyle par téléphone, allez-y. Balancez le hashtag Magic System sur Skyrock. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Si vous avez écouté l'album, vos morceaux préférés de Radio Africa, vous balancez avec le hashtag Magic System sur Skyrock. Et on revient, on passera aussi le son de Silento, Watch Me après ça. L'émission rap de référence, Planet Rap. Planet Rap. C'est Planet Rap sur Skyrock. Let's go. Ce soir, Planet Rap Magic System. Le Magic System avec nous toute la semaine et l'album qu'il faut absolument avoir là juste avant de partir en vacances ou en vacances, c'est Radio Africa. Et pas que d'ailleurs, hein, puisqu'il y a plein de morceaux qui vont vous enjailler tout au long de cette année qui arrive. Avant un nouveau projet d'ailleurs qui s'appellera Enjaillement Total. Enjaillement Fever. Enjaillement Fever. Ouais, Enjaillement Fever. C'est toute l'Afrique. Urbaine qu'on va ramener en France. Mais c'est en cours, c'est un projet qui est en cours. C'est un projet qui est en cours et au moment venu, vous serez informé. C'est la rencontre entre les Africains d'Afrique et les Africains d'ici. Et la diaspora. Et la diaspora. Et donc, on va sortir quelque chose d'électrique. Et bah, très bien. Donc, Enjaillement Fever, mettez-vous ça déjà. Il y a une idée de la date ou. Non, pour le moment, il n'y a pas d'idée. On est au laboratoire. Il faudrait que la formule soit prête avant d'annoncer une date. Ok. Voilà. Eh bien, attendons la formule et la date suivra. Magic System avec nous entre 20 et 21 et Drew par téléphone de Charleroi. Salut Drew. Ah, Drew, un petit. Normalement, c'est le freestyler par téléphone. On va essayer de le rappeler tout de suite. Et il y aura le freestyle par téléphone. Pendant ce temps-là, réagissez avec le hashtag Magic System sur Skyrock. Toutes vos questions au Magic System, allez-y. Ou alors par SMS 41759. Et dans un instant, Drew, on passera aussi un morceau dans quelques minutes qui s'appelle Danser Patapata, c'est ça, hein? Oui, Danser Patapata. Donc, il vient d'où celui-ci? C'est pour un hommage à Myriam Makeba. qui est une pionnière aussi de la lutte anti-apartheid et qui a marqué aussi la musique africaine. Et en Afrique du Sud, on a pensé à elle, même si c'est un hommage à titre posthume parce qu'elle est décédée il y a 3 ans. On s'est dit qu'il fallait reprendre. En plus, la chanson est bien connue ici. On s'est dit on va la reprendre à la sauce Magic System. Et ça peut faire quelque chose. Hein. Dansez Patapata, il arrive le morceau d'ici quelques minutes. Et Drew, on a retrouvé Drew ? Ouais, je suis là. Comment ça va, Drew ? Ça va très très bien. Toi, tu vas bien, frère ? Eh ben, écoute, je suis bien, moi, je suis avec le Magic System toute la semaine, je suis très bien. Ah ben, big up à eux, hein. Vous allez bien, les gars ? Ben, ça va, et toi ? Ouais, ça va, je suis venu vous voir, je me souviens, pour le Energy in the Park. J'espère que vous revenez cette année, Inch'Allah. Oui, si, c'est au programme en plus. Je crois que c'est au mois de septembre, c'est ça, voilà. Et bah, ouais, et bah très bien, donc ils reviennent, on te les envoie du côté de Charleroi. C'est où, à Charleroi, hein, le concert? Ouais, c'est à Charleroi, Inch'Allah, j'espère vous voir. Alors si vous venez, on va venir soutenir. Hein. Ben on va venir, on vient avec Fanta Diallo, on vient avec Enjaillé et on vient pour vous enjailler. Ah, si. Et bah Drew, enjaille-nous, toi aussi maintenant, freestyle par téléphone, c'est parti. On va faire du chant. Hein. Ok, comme tu veux, Acapella. Allez. Je te protège, car je veux que ton cœur s'allège. J'ai changé de siège, car c'est du monde dans le piège. Ton père n'a pas toujours été un exemple à suivre. Regarde ta mère, sans toi vivre. À force de perdre la foi, on ne fait plus les bons choix. Alors reste un homme droit, écarte-toi de tout ça. Je te promets, je ne ferai même plus d'erreur. C'est le destin. Un jour je partirai, j'ai peur. Fils, pardonne-moi, pardonne-moi. Ton père n'est pas celui que tu croyais. C'est en regardant, le visage de ta mère que mon âme brillait. Respecte-la, oh, car son cœur résonne en toi tant de fois. Oh, j'ai baissé les bras. Ah oui, c'est chanté, quoi. Il y a du coffre, il y a du contenu, Drew. Il y a de quoi tenir tête à Maître Gims. Bah non, en fait, c'est un morceau, c'est un morceau de mon album. Après Maître Gims, Maître Drew. Oh, voilà. Vous avez kiffé, les gars. Ouais, franchement. T'as vu, le studio est calme, on t'écoutait. C'est unanime. C'est unanime. Ça fait plaisir. Et bah, où est-ce qu'on peut t'écouter, Drew? Vas-y, balance 2-3 adresses sur le net. Mais là, en fait, vous pouvez me retrouver donc également sur Twitter, donc Drew Song Off avec 2 F. Sur Snapchat, pour ceux qui veulent s'amuser avec moi un peu, histoire de rigoler avec moi. Donc Drew Song Off sans. Ben là, il n'y en a que un F. Sur YouTube, donc c'est Drew Song officiel, et sur Facebook c'est Drew Song séparé, donc c'est en majuscule DREWSONGZ. Donc on va suivre de toute façon Drew du côté de Charleroi et on pourra. Merci à toi, Drew. Je peux faire des petites dédicaces? Ouais, vas-y, bien sûr. Voilà, je fais une énorme dédicace à Sandrine, Xavier, Nassim de Scal Record, Baudet, Ronald de Jaime Hinton, Lacrimo, Karim Gouache Music, Samir, Khaled, Jarid, Frédéric, oui, Melvin, mon compositeur, Cher, Momo, La Menace, Ahmed Traoré, le G, directeur artistique. Il prépare une méga scène à Hammamet en Tunisie pour ceux qui veulent aller. Merci. Et à toute la famille. Tous ceux qui me soutiennent et mon équipe qui prépare mon premier album, pour ceux qui veulent savoir. Et bah, c'est quand la scène à Hammamet? Ça peut m'intéresser. Dis-moi, Hicham, Drew. Je ne me souviens plus du nom de la date. Mais je te dirai par. Ça roule. Je te le dirai par Twitter. Et Drew, je t'ai appelé Hicham parce que j'en place une pour Hicham dans son Uber actuellement. Donc une grosse dédicace à lui, qui nous écoute aussi, qui écoute le Magic System avec toute l'équipe. Merci à toi, Drew. Passe une bonne soirée. Merci, hein. À toi aussi également. Ciao, ciao. Merci. On avait dit de danser Patapata. Ah oui. Il est de quelle année ce morceau? Patapata, je crois que ça doit être quand même les années 80. Hein. C'est années 80. Ça avait été repris aussi, Patapata. Hein. Oui, par Kumba Gaolo. Voilà, c'était ça. Hein. Voilà, c'était ça. Je me souviens de cette reprise aussi, ouais. C'est ça. Et donc, vous, c'est une autre reprise, cette fois-ci, une autre ambiance. Oui, c'est ça. C'est une autre ambiance à la manière Magic System. Ouais. Et ben, on y va, c'est parti. Danser Patapata. Ça va tout fracasser si c'est ça. On va tous y aller si c'est ça. On va bien rigoler. ça va tout chambouler. Tout le monde va y aller, on va bien rigoler. Tout le monde va bouger, on va tous agiter. On va tous y aller, on va bien rigoler. Danser pata pata à l'instant. Oui. La chanson a 58 ans. C'est vrai que la chanson a été chantée. Elle est sortie aux États-Unis en 67. Oui. Elle avait été chantée en 57. Et j'étais en train de vérifier d'ailleurs justement. Ah, ouais. Je me demandais depuis quand existait ce morceau. Incroyable. Et puis l'histoire aussi de Myriam aussi, qui est incroyable aussi. Oui. L'apartheid, elle était interdite de séjour dans son propre pays. Elle s'est exilée. Elle s'est exilée en Afrique de l'Ouest, en Guinée. Elle est restée là-bas pendant longtemps. Elle a même perdu ses plus proches dans ce pays, avec sa fille qu'elle aimait et tout. C'était une battante, et voilà, cette chanson, c'était un hommage à elle. Voilà. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui est toujours à l'heure africaine. C'est notre invité spécial aujourd'hui. Mais en même temps, ça va, 20h35, hein? Je l'ai vu arriver plus tard. Non, mais c'est nous qui lui avons dit 20h35. C'est... Voilà. Bien sûr. Monsieur Youssoufa est là avec nous dans Koubayo. Eh oui, il est là. Youssoufa, comment ça va? Je suis à l'heure de Radio Africa. Oui, c'est ça, t'es à l'heure de Radio Africa. Voilà, Radio Africa, c'est mon heure. Je voulais arriver 20 minutes avant, mais non, on m'a dit c'est pas possible. Non, c'était pas possible. Hein. Ça va pas du tout avec le concept de la compile. Ça va ou quoi? Mais j'ai écouté dans ma voiture. Ah ouais, beaucoup là. J'ai écouté, on a écouté Myriam Makeba. Le pata pata façon Magic System, j'aime bien. Comment ça va les gars? Ben ça va et toi? Ouais, toi. On s'est vu il y a pas longtemps dans un concert, on va se voir encore dans des concerts. Non, alors, non, c'est et bien. Et alors pourquoi vous avez voulu inviter Youssoufa? Hormis qu'il est. Voilà, que c'est parce que j'ai pas mes papiers. Toujours pas? Toujours pas. Déjà parce que c'était un plaisir de retrouver Youssoufa. On a eu à bosser ensemble avec Youssoufa, je crois que ça date maintenant de 7-8 ans. Ouais. Et puis le projet Radio Africa, on ne pouvait pas le faire sans inviter Youssoufa, parce que lui, il a compris ça. Il a fait une belle reprise d'une des chansons de son père, qui a été une réussite totale. Il y avait les discos, les disques de mon père qui passaient d'ailleurs sur la radio. Ouais. Voilà, et ça, on s'est dit, voilà, c'est quelqu'un qui s'aligne vraiment dans la vision de Magic System. Parce que bon, lui, son père qui est quand même un des plus grands d'arbre. Voilà, c'est ça. C'est un monument. Rumba congolaise. Ah oui, quand son père, c'est un monument. C'est, à l'époque, nos parents nous berçaient avec la musique de son père. Et bon, malheureusement, il nous a quittés il y a quand même un an, deux ans, je crois. Et puis bon, on s'est dit que Youssoufa pouvait être là parce que lui aussi, il a compris. Il fait partie de cette génération-là qui veut promouvoir la culture africaine, la musique africaine. Et il fallait qu'il soit là pour nous témoigner aussi de sa solidarité et que nous lui montrons que nous l'aimons. Voilà. Ah, franchement, c'est pas joli, bien dit. De toute façon, lui, c'est un grand monsieur. Hein. Franchement, quand les frères ils te disent tu viens au Planète Rap, tu viens parce que voilà. Et je sais pas si tu es au courant, je sais pas, bon, la semaine elle commence là, mais est-ce qu'il a déjà eu l'occasion de te parler, Fred, de son festival, le FEMUA, qu'ils font au Magic System? On en a parlé chaque année, je dis, c'est au mois d'avril. C'est impressionnant, Fred. C'est-à-dire, moi, je m'attendais. Alors, en fait, on va rappeler un truc, c'est dans votre ancien quartier, d'ailleurs, c'est là où vous avez grandi. Oui. Mais quand ils disent son ancien quartier, toi tu crois que c'est façon de parler, c'est bon, il a fait un truc à Abidjan, bon c'est pas loin, non, c'est dans le quartier, c'est dans le quartier, voilà, c'est le quartier. franchement et combien de personnes? Oh là, des milliers et des milliers. Cette année, sur les 5 jours, on a reçu 400 000 personnes. Voilà. Non, mais c'est impressionnant. Je suis obligé de le dire. C'est un truc, franchement. C'est même pas que j'avais sous-estimé. Toi, tu l'as joué quand là cette année? Moi, je l'ai joué il y a deux ans. Non, il y a deux ans. Deux ans. Et c'est resté dans la mémoire de tout le monde, quoi. Ah ouais, c'est populaire. C'est, en plus, ça mélange les gens. C'est-à-dire qu'il y avait autant Amadou et Mariam, des chanteurs libanais, Alpha Blondie. Et c'est dans le quartier. Et surtout, c'est une œuvre concrète parce que j'ai visité une école qui avait été construite avec les fonds récoltés. Oui, parce que c'est pas uniquement juste pour faire un concert. C'est qu'il y a un projet derrière. Le concert derrière. Est bon, mais le projet derrière est bon et surtout il est concret. Mmh. Et moi qui avais, en fait, c'est ça, je sais même pas si j'ai eu l'occasion de lui dire, mais si j'ai eu l'occasion de vous le dire, mais moi j'avais voulu mettre en place des choses dans mon pays d'origine, le Congo. J'avais quelques hésitations parce qu'on se dit toujours, c'est compliqué et tout. Et quand j'ai vu ce qu'ils avaient pu accomplir, les Magic System, je me suis dit, mais non, mais en fait, ça m'a donné de la puissance et de la force pour mener moi mes projets. Vraiment, c'est, si vous avez l'occasion de le vivre, le FEMUA. Donc le prochain, c'est avril 2016. C'est la 9e édition. Et tu sais déjà qui y aura au programme ou c'est un peu tôt là? Non, on a le comité scientifique du festival est en train de se réunir. De choisir, mais le plus important. J'aimerais bien revenir, moi. Ah oui, on va faire plaisir aussi. Le plus important, c'est pas la programmation. Mais c'est ce que nous donnons aux populations. C'est-à-dire, on a décidé que chaque année, on doit offrir une école. Donc, à chaque édition, il y a une école. Il y a une école qui ouvre. Ouais. Voilà, qui ouvre, une école Magic System. Et voilà, pour le moment, nous en sommes à 3. L'année prochaine, on va faire la pose de la première pierre de la 4e école. Et puis, bon, voilà, ça peut aider quand même. Je trouve que c'est magnifique, surtout. Voilà. Et je dis encore merci. Merci à Yous qui a accepté, dès qu'on l'a contacté, de libérer son temps et de venir rester avec nous. Pendant 5 jours, il est resté dans le village avec nous. Il a mangé avec nous, il s'est promené avec les enfants du village. Et vraiment, ça, quand tu sors de ce village et que tu viens ici, tu dis, nous, on a eu la chance d'aller quelque part où les autres peut-être ne viendront jamais, quoi. C'est compliqué. Et bah l'accomplissement, voilà, le vrai l'accomplissement. Et je ne sais pas s'il y a un site où on peut aller se renseigner, si on peut filer un coup de main aussi. Si on est ici en France et qu'on peut donner un petit coup de main ou une petite aide aussi pour l'ouverture d'école, il y a un site qui est dédié, C'est d'aller sur le site du festival, il y a toutes les adresses qui sont là, il y a tous les contacts. C'est le FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumambo, FEMUA.com. Et vous allez dessus et vous allez voir maintenant pour les dons, il y a la Fondation Magic System qui a été mis sur place aussi pour accompagner tous ces projets sociaux là. Voilà. Bravo merci à vous. Merci. On attend la Fondation Youssoufa qui va pas tarder. En tout cas, il me donne la force. Hein. Moi, elle, c'est encore petit, mais j'ai monté une association qui s'appelle à Nouvelle École pour l'éducation et tout ça, à Kinshasa. Et il y a des moments, je vais pas mentir, je perdais un peu la foi, la motivation. Je me disais, c'est pas gagné. Et quand j'ai vu ce qu'ils avaient accompli, je me suis dit, s'ils l'ont fait, ça m'a reboosté vraiment. Je rappelle qu'il y a toujours aussi la Fondation Fred de Sky qui est pour mes poches. N'hésitez pas. Exactement. À envoyer des chèques ou du liquide. Bon, on écoute un petit morceau en live maintenant. On fait un live, messieurs. Ouais, on va faire un jaillet. Voilà, en jaillet pour l'arrivée de Youssoufa. Voilà. Ah oui. En live, s'il vous plaît, Magic System en jaillet. Tout le monde est prêt? Yes. Coup d'envoi. Tous à jaillir, on va bien s'enjailler, là on a bien s'enjailler. Oh la calamale, oh la calamale, oh la calamale, ja, oh la calamale. On est tous à jaillir, on a tous à jaillir, on va bien s'enjailler, là on va bien s'enjailler. Oh la calamale, oh la calamale, oh la calamale, ja, oh la calamale. Fatigué, tu veux pas bouger, t'as tout ça, t'es là. Y'en a des ça, y'en a des ça, là. Y'en a là. Y'en a des ça, y'en a des ça, là. Y'en a là. Si t'es pas chaud, tu veux pas danser, nous on va te balayer. Balayer. Tu es fatigué, tu veux pas bouger, nous on va te bousculer. On est chaud ici, là, on va te bousculer. On est tous s'enjailler, on va bien s'enjailler, là on va bien s'enjailler. Oh la calamale, oh la calamale, oh la calamale, ja, oh la calamale. On a tout s'enjailler, on a tout s'enjailler, on va bien s'enjailler, là on va bien s'enjailler. Oh la calamale. On n'a jamais lessivé. On est toujours en jaé. On n'est jamais lessivé. On est toujours en jaé. On n'est jamais lessivé. On est toujours en jaé. On n'est jamais lessivé. On est tous en jaé, on est tous en jaé, on va bien s'en jaé là, on va bien s'en jaé. On a calamaré. En live, dans Planète Rap, c'est un extrait. Ouais. Du nouvel album. Un extrait de l'album qui Radio s'appelle Radio Africa, Africa du Magic System. C'est avec ça nous qui est la vérité. Entre 20 et 21, c'est ça qui est la vérité. Et on fera tourner la roulette dans un instant. Youssoupha aussi nous a rejoint. Youssoupha, toi t'es en tournée aussi, il y a les prochaines dates qui arrivent. J'ai le Zénith de Paris le 10 novembre, le Zénith, et les autres dates sur le Facebook, vous pouvez les voir. Je les connais pas par cœur. Et là, beaucoup. Il y a Brive, je crois, bientôt. Il y a Dour en Belgique le 19, et après j'oublie. Bon, est-ce que t'as vu Magic System? Et le Bénin aussi le 30. Par contre, Magic System en concert, le problème avec leur setlist, c'est qu'il faut chercher les non-tubes, en fait. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'aime. C'est vrai qu'à la limite, vous pourriez vous asseoir et regarder le public. Je crois que tu réalises plus qu'ils ont autant de pubs de tubes. C'est-à-dire que je crois que quand ils font la setlist, ils en jettent même à la poubelle. Bon, ça. Non, mais c'est vrai que c'est un truc de fou, en fait. J'ai eu la chance de voir à l'Olympia. Ouais, c'est vrai. Bon, déjà, j'ai... Il n'y a pas de limite. J'ai pas passé un seul moment assis. Non, mais. C'est-à-dire que parfois, dans les concerts, il y a un moment, tu dis, bon, me pose un peu. Tu vois. Non, ils en balancent Kidimier, ils en balancent Gaou à Oran. Bouger, Chéri Coco. La danse des magiciens. La danse des magiciens, du Gloudette. Frère, on tue et fou, nous aussi. Non, il en manque un que vous faites pas. Il en manque un que vous faites pas, c'est celui-ci. T'endors pas. Ah! Magic System, connexion Youssoupha. Le jour se réveillera. Unité, paix et solidarité pour un monde. Nima sa ala va médiguer. Côté la tuée de la nuit. Le jour se réveillera. J'avais rêvé d'un monde meilleur, sans différence de couleur, égalité. Mais pour devenir quelqu'un, il te faudra vivre les mauvais coups du destin. Comment il faut l'aller depuis longtemps, mon frère. Moi je suis mis à l'écart, ils me jugent, il est calme. Pourtant j'ai de l'amour à leur égard. Mais tant que leur regard fixe ma différence, j'aurais du mal à croire à tes rêves de gloire et à tes espérances. Le respect commence là où l'ignorance se termine. Alors pourquoi faire mine d'être heureux dans la tolérance? Ici je suis venu, j'ai vu, on m'a vaincu. Voilà pourquoi mon frère tu ne m'as pas encore convaincu. T'endors pas, réveille-toi. Vois ce qui fait ton destin. Ces mots n'étaient pas faits pour toi. Réveille-toi. Ils vont enfin ce que nous croyons. Je veux pas croire que c'est de ma faute. Ils font ce que nous pensons. Parce qu'ils pensent que l'enfer c'est les nôtres. Égalité. Mais quelle égalité. Faut gagner son destin. Gagner son destin sans perdre son âme. Vivre son destin sans perdre son âme. Non, ma fierté n'est pas un crime. Y'a que devant le Tout-Puissant qu'on m'a mal pris. Depuis longtemps. Mon frère, leur haine est dure à comprendre. Attends, je n'ai plus le temps d'attendre. Il y aura bien un moment. Je ne l'attends plus, tu sais. Je ne sais plus. Faut venir à bord. Et peut-être que je me trompe. Ce ne sont que des humains. Juste des êtres humains comme moi qui apprennent à vivre. Au nom de la liberté. Comment m'y pas l'aller. T'endors pas. Réveille-toi. Parce que tu tiens ton destin. Assalam alaykoum. T'endors pas. Comme si ce monde était pas fait pour toi. Réveille-toi. Comment m'y pas l'aller. Depuis longtemps. J'ai parlé, j'ai pris mon temps. Attends, pour une nuit. Après la durée de la nuit, le jour se lèvera. Le jour se lèvera pour toi, mon frère. Le jour se lèvera pour toi, mon frère. On est là pour briller. Malgré la durée de la nuit. Malgré la durée de la nuit, le jour se lèvera. Ne t'endors pas. Réveille-toi. Ce monde a fait pour toi. Unité, paix, solidarité pour tous. Ouais. Parce qu'un autre monde est possible. Il y a espoir. Ouais. Ouais, ouais, alors, ça va. Alors, ouais. Ce morceau, Magic System, Youssoupha, t'endors pas. Ouais. C'est comme ça que j'ai eu du public en Abidjan. Moi, avant, personne ne me connaissait à Abidjan. Mais aujourd'hui, c'est devenu quasiment mon premier public au monde. C'est grâce à cette chanson. Il a combien de temps ce morceau? Il a 3. Ah non, plus, il doit avoir 7 ans. 7 ans, ouais. Ouais, c'est vrai que ça va vite. C'est 2009-2008. Hein. Ouais, c'est ça va vite. 2006 même. Ouais. Ah, non, ça, et ça, pour ça, moi, ça... je veux dire que le plus beau clip qu'on a tourné dans notre carrière, c'est ça, ouais. C'était ce titre. Pour ceux qui nous écoutent, ils peuvent faire un tour sur YouTube et tout. Et, ouais, et aller voir T'endors pas. Ouais. Aller voir T'endors pas. Parce que là, c'était notre... au-delà d'un clip, on a vécu une expérience. Parce dans qu'on était désert, dans le désert tunisien, on était à Tozeur. Je me rappelle, ouais. On a vu 4 ans défiler en une seule journée, la pluie, le vent, le soleil, ouais, et tout. Et franchement, quand on sort de là et puis on a vu l'image qui avait été tournée, c'était... c'était beau. Non, non, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est... on dormait, on dormait la nuit dans le désert. C'est un truc de fou. On dormait la nuit dans le désert. Ouais. Et tu sais quoi? Je crois que dans le désert, ouais, t'as jamais réalisé ce que c'est l'obscurité. Sans... parce qu'en fait, sans, quand tu dors en ville, il y a toujours une lumière quelque part. Ouais. Dans le désert, quand il fait noir... rien. Non, il fait noir. Non, il fait noir, frère, le vrai noir. C'est même pas un bout de lune, rien. Ah ouais, non. Et puis surtout, les populations tunisiennes qu'on a vues dans le désert, oui, exemplaires de dingue. C'est... les gens nous ont accueillis. Les gens, ils ont trois fois rien, mais ils t'accueillent, on dirait. Et ben voilà, c'est un petit rappel avec ce morceau T'endors pas que vous avez fait. Oui, déjà, il y a 6, 7 ans. Ça, ouais, ça doit juste d'ailleurs, pas, même plus. Ça veut dire que c'est pas maintenant qu'on pense en Afrique. Juste avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette. Merci à vous, en tout cas, pour cette première soirée. Skyrock t'offre Black M et Big Freoli aux arènes de Bayonne. Plus tes 3 places de ciné, les profs 2. Amélie de 50 ans, on fait tourner la roulette en speed. Ça va bien, Amélie? Ça va, et vous? Eh ben, on va bien. Magic System, Youssoupha, tout le monde, ouais, va bien. Bah, c'est cool alors. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Place pour aller voir Big Flo et Oli, place pour aller voir Black M, des places pour aller voir les profs 2 aussi. Oh, joli petit stop, tu es toujours là, Amélie? Ouais. Oui, oui, je suis là. Stop à ta vie. Et bah la totale, 23-24 juillet, tu seras aux arènes de Bayonne pour les concerts de, dans l'ordre de Big Flo et Oli et de Black M. Et puis 3 places, ouais, de ciné pour aller voir les profs 2 aussi. Bisous Amélie. Bisous, merci, je peux faire une petite dédicace? Vas-y, vas-y, en speed, ouais. Alors une petite dédicace à ma Marinouche, Kamel, Angelica, Omar, Antoine et Pa, Julie, Stéphane, Lou, Malia, Nadège, ma belle famille, les Tiam, Rougi, Fatima, mes parents qui sont en train de m'écouter. Mon chéri Tembel, et aussi merci aux standardistes qui sont hors antenne, ils sont opérationnels, ils sont super. Ça dépend des heures. Donc voilà, très nice. Franchement, ils étaient trop trop cool, très gentils. Et puis également, big up à Magic System et Youssoupha, je vous ai déjà vu en concert. Merci. Bah, bisous Amélie, merci à toi et merci au Magic System. Merci Youssoupha d'être passé aussi ce soir. Beaucoup. Merci. Demain, vous êtes là, Youssoupha, non? Ouais, mais bon, je vais leur laisser quand même leur planète rap. Moi, j'en ai déjà eu assez dans ma vie quand même. Tu veux venir, mais on fixe rendez-vous maintenant, c'est 24-48 heures à l'avance avec toi. Ouais, parce... ouais, effectivement. Je veux bien qu'ils me donnent, je leur donne mes planète rap et ils me donnent des tubes. Eux, les tubes, ils ont l'air d'avoir de la marge. Donc, je veux bien prendre les tubes et je leur donne planète rap, y'a pas de problème. Bon, bah, merci d'être passé en tout cas. Il y a Radio Africa qui est dans les bacs. Voilà. Et on vous retrouve demain soir entre 20 et 21, un petit peu avant 20h. Merci à vous, les Magic System. Allez, merci. Demain, on invite Soprano. Voilà. Et bah, demain avec Sopra, c'est parti. Pour Difool, la radio libre. Total respect.